ces derniers mois. Tous les samedis après-midi, d'oublier que tu n'es plus là. Entre deux rangées de caddies, j'écume les rayons de Carrefour. Entre 4h et 5h30, mon caddie est vide. Mon amour, je n'achète plus que des flambis. Et je me rappelle les bons moments à acheter des places surgelées. Le rayon musique, les promos sur le dernier disque d'Obispo. Je te reverrai à son bras, lui, l'homme de ta vie. Vous aurez pris un beau magret et vous rirez de mes flambis. La musique en fond du Stan Getz jouait comme dans un ascenseur. Encore une fille d'Ipanema, la pourra teaser mon malheur. Et je me rappelle les bons moments à acheter des places surgelées. Au rayon musique, plus de promo. Et puis j'aime plus trop Obispo. Les bons moments à acheter des places surgelées. Au rayon musique, plus de promos. Et puis j'aime plus trop Obispo. Et je me rappelle les bons moments à acheter des places surgelées. Au rayon musique, plus de promos. Et puis j'aime plus.